C'est l'amour qui fait mal, l'amour qui rend fou. Celui qui s'en va avant le premier rendez-vous. C'est pas le cinéma, c'est pas les scènes de art. De façon y'a plus rien qui fait couler tes larmes. La femme, l'homme, on s'adopte. Le syndrome de Stockholm. Ton fantôme qui m'adore. Un bateau, un trésor. On se trahit mille fois, on se pardonne. On avance dans le noir et on tâtonne. On se carbonise et on agonise. On rêve d'un amour impossible. On se croit invincible. On pourrait crier l'indicible comme un tsunami invisible. Mais je ne peux pas y croire et tu ne veux pas le voir. Devant le miroir, je fouille dans ma mémoire. Et je slalome entre les souvenirs qui restent et qui résonnent. Ça fait un drôle de bruit. C'est l'amour qui fait mal, c'est l'amour qui rend fou. Celui qui s'en va avant le premier rendez-vous. C'est pas le cinéma, c'est pas les scènes de art. De toute façon y'a plus rien qui fait couler tes larmes. La femme, l'homme, on s'adopte. Le syndrome de Stockholm. Ton fantôme qui m'adore. Un bateau, un trésor. À chaque fois qu'on s'éloigne on se rapproche. Sans savoir à quoi on se raccroche. Et on s'atomise. Appelez la police. Faut qu'on arrête de se lancer des missiles. Ça va finir en homicide. On oublie nos principes. Ah si je pouvais rétrécir, j'irais enfin te voir. Mais tu ne peux pas y croire. Le début d'une histoire. Le bout du couloir qui s'allume. Un jour moi aussi j'irai et j'assume toutes mes conneries. C'est l'amour qui fait mal, l'amour qui rend fou. Celui qui s'en va avant le premier rendez-vous. C'est pas le cinéma, c'est pas les scènes de art. De toute façon y'a plus rien qui fait couler tes larmes. La femme, l'homme, on s'adopte. Le syndrome de Stockholm. Ton fantôme.